Salut les gars. Salut les fous. Eh mais je vais vous appeler les trois mousquetaires, hein. Cru, Zig et Océan. C'est barré au moment où j'arrive. This is the end of the world. This is the end.